어떡해 어떡해 꽃에 빠져 pour voir la feuille. Je la voyais bien. Hein? Comment? Je la voyais bien. Ouais? Oh, ouais. Parce que là, ça va pas l'air, c'est pour ça. Les cartes à monter avant. OK, on continue. Ta gloire aux yeux des cieux, pleine de respect. J'en ai une coupe, puis on peut continuer après ou on peut interrompre. C'est bon. T'aimes-tu mieux que je te donne le micro puis que tu mic tes guitares? Ça va. Ouais. Say tu es grand, ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, mais quand je songe au sublime d'amour. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ton nom. De la terre, Seigneur, et Seigneur, tu nous combles de tes bienfaits jour après jour, nuit après nuit. Tu soutiens notre vie, Seigneur, et par-dessus tout, Seigneur, tu t'es révélé à chacun. Tu t'es fait connaître à nous. On va te dire merci. Comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu Veux-tu commencer ça, Guillaume? Merveilleux amour. Thank you. Celle qui modifie, qui module quatre fois, là. Non. Merci, Seigneur, pour les épreuves de... Ah, OK, oui, c'est en sol. La bergerie de Saint-Bruno, Longueuil, ils la connaissent. Hein, on l'a chanté à Collège des Galaxies. On peut l'essayer. Plus lent que ça. Merci, Seigneur, pour les épreuves de... me conduire, je serai plus fort. Merci Seigneur, car je sais que dans la détresse, tu es là, tu conduis mes pas, tu guides ma vie, car ce n'est pas dans ma nature, car ce n'est pas dans ma nature de te laisser soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je veux prendre en main ma vie, quand je veux prendre en main ma vie, voulant tout seul la diriger, seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Tu as changé ma vie, Jésus. C'est lequel ça, Denis? Tu es l'auteur de mon... Ah! On va l'en faire. Ah, Guillaume l'a envie. Tu es l'auteur de mon bonheur. Tu es le chant de mon cœur. Tu es la mélodie. Tu en es l'harmonie. Je te célèbre, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, le prince de ma joie. Tu me remplis de ta vie. Et Seigneur, en retour, je t'offre ce chant. Des chants dans Dan. Ah oui. Béni soit le lien. Je pense que j'ai une feuille qui ressemble. C'est ça? Il était là, je pense. Je l'avais pas vu. Je l'avais vu, il est là. Ah. Béni soit le lien. Béni soit le lien. Ouais, c'est les mêmes paroles. Mm-hmm. C'est un autre. Le remake. C'est ça. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint save you. Galatien. En proie au doute à chaque instant, luttons de leur crainte au-dedans. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tout ce que j'espère, que ma bouche élève ton nom toute ma vie. Roi des rois, ami fidèle, Jésus mon Seigneur. Tel que je suis dans ton amour, I'm je louerai l'Éternel de tout. Thank you. Se confie en toi, se réjouiront, ils auront de l'allégresse, à toujours, Ouais. Nous adorons Adonai. Bah, c'est le même, là, c'est le même Dieu. Hein? Ouais.